Chapitre 31. La gare. Ophélie se laissa entraîner par le mouvement de reflux des spectateurs vers les sorties de la salle. Alors qu'elle descendait avec eux le grand escalier d'honneur, elle se fit marcher sur les pieds au moins 5 fois. Tous les spectateurs furent invités à se rendre au Salon du Soleil, où se donnait une grande réception. Des buffets avaient été dressés et des domestiques en livrée jaune promenaient leurs plateaux d'un noble à l'autre pour servir des boissons sucrées. Un valet désœuvré attirerait l'attention. Ophélie prit une coupe de champagne et traversa la foule d'un petit pas pressé, comme le ferait un serviteur soucieux de désaltérer son maître au plus vite. Partout autour d'elle, on commentait la prestation de Bérénilde, son mezzo trop ample, ses aigus trop serrés, son essoufflement en fin de représentation. À présent que Farouk était loin, les critiques se faisaient plus mordantes. Les favorites en diamanté délaissés s'étaient réunis à côté des pâtisseries. Quand Ophélie passa près d'elle, il n'était déjà plus question de critique musicale, mais de maquillage raté, de prise de poids et de beauté vieillie. C'était le prix à payer pour être aimée de Farouk. Ophélie craignit un instant que Thorne ne se fût déjà réfugié dans son intendance, mais elle finit par l'apercevoir. Ce n'était pas difficile. Sa figure maussade et balafrée, plantée sur son grand corps d'échalas, dominait toute l'assistance. Taciturne, il aurait visiblement souhaité qu'on le laissât tranquille, mais on ne voyait que lui. Des hommes en redingote affluaient sans cesse dans sa direction. « Cet impôt sur les portes et fenêtres est un non-sens. 14 lettres que je vous ai adressées, monsieur l'intendant, et aucune réponse à ce jour. Les gardes-manger viennent à se vider, des ministres qui se serrent la ceinture. Où va le monde ?» « Il est de votre devoir de nous éviter la famine. Cette grande chasse a intérêt à être bonne, sinon vous entendrez parler de nous au prochain conseil. » Ophélie se fraya un chemin entre tous ses fonctionnaires bedonnants pour atteindre Thorne. Il ne put retenir un sourcillement étonné quand elle hissa vers lui sa coupe de champagne. Elle essaya de coller sur le visage de Mime une expression insistante. Allait-il comprendre qu'elle sollicitait son aide ? « Prenez rendez-vous avec mon secrétaire. » déclara Thorne à tous ces messieurs d'un ton catégorique. Sa coupe de champagne à la main, il leur tourna le dos. Il n'eut pas un geste, pas un regard pour Ophélie, mais elle lui emboîta le pas en toute confiance. Il allait la conduire en lieu sûr, elle lui parlerait de la tante Roseline, il trouverait une solution. Ce soulagement fut de courte durée. Un grand gaillard appliqua une claque retentissante sur le dos de Thorne qui déversa sa coupe de champagne sur le carrelage. « Cher petit frère !» C'était Godefroy, l'autre neveu de Bérénilde. Au grand dépit d'Ophélie, il n'était pas venu seul. Freyja se tenait à son bras. Sous sa jolie toque de fourrure, elle décortiquait Thorne des yeux comme s'il s'agissait d'une aberration de la nature. L'intéressé se contenta de sortir un mouchoir pour éponger le champagne sur son uniforme. Il ne paraissait pas particulièrement ému de voir sa famille. Il y eut un silence pesant, souligné par le bourdonnement des conversations et la musique de chambre. Godefroy le fit voler en éclats d'un rire magistral. « De grâce, vous n'allez pas encore vous bouder. 5 ans que nous ne nous sommes pas retrouvés tous les trois. »« 15 !» dit Freyja, glacial. « 16 !» rectifia Thorne avec sa rigidité habituelle. « Assurément, le temps passe !» soupira Godefroy sans se départir de son sourire. Postée en retrait, Ophélie avait du mal à s'empêcher de dévisager le beau chasseur. Godefroy captivait l'œil avec ses mâchoires puissantes et ses longs cheveux dorés. Dans sa bouche, l'accent du Nord prenait une sonorité rieuse. Il semblait aussi à l'aise dans sa chair souple et musclée que Thorne était à l'étroit dans son grand corps osseux. « Tante Bérénilde n'a-t-elle pas été extraordinaire ce soir ? Elle a fait honneur à notre famille !» « Nous en reparlerons demain, Godefroy !» persifla Freyja. « Notre tante devrait garder ses forces plutôt que de s'épuiser en roucoulade. Un accident de chasse est vite arrivé !» Thorne lança sur sa sœur son regard de faucon. Il ne prononça aucun mot, mais Ophélie n'aurait pas aimé se trouver devant lui à cet instant. Freyja lui sourit d'un air féroce, brandissant son nez en épine comme un défi. « Tout cela ne te concerne pas !» Tu n'as pas le droit de te joindre à nous, tout intendant que tu es. N'est-ce pas merveilleusement ironique ? Elle se décrocha du bras de son frère et souleva sa robe de fourrure pour éviter la flaque de champagne. « Je fais le vœu de ne jamais te revoir !» dit-elle en guise d'adieu. Thorne serra les mâchoires, mais n'émit aucun commentaire. Ophélie fut tellement saisie par la dureté de ses paroles qu'elle ne se rendit pas tout de suite compte qu'elle gênait le passage de Freyja. Elle fit un pas de côté, mais ce petit contretemps ne lui fut pas pardonné. Un valet avait fait attendre Freyja, et Freyja n'attendait pas. Elle abaissa sur Mime un regard méprisant de ce qu'on réserve aux insectes rampants. Ophélie porta vivement la main à sa joue, une douleur fulgurante venait de lui traverser la peau, comme si un chat invisible l'avait griffé en plein visage. Si Thorne remarqua l'incident, il n'en laissa rien paraître. Freyja se perdit dans la foule, laissant derrière elle un malaise que Godefroy lui-même ne parvint pas à dissiper. « Elle n'était pas aussi désagréable quand nous étions petits, » dit-il en secouant la tête. « Être mère ne lui réussit guère. » Depuis notre arrivée à la Cité à Ciel, elle n'a pas cessé de nous railler, ma femme et moi. Sans doute le sais-tu, mais Irina a encore fait une fausse couche. Je m'en moque éperdument. Le ton de Thorne n'était pas particulièrement hostile, mais il ne mâchait pas ses mots. Godefroy ne parut pas offensé le moins du monde. C'est vrai que tu dois penser à ton ménage maintenant, s'exclama-t-il en lui assénant une nouvelle claque dans le dos. « Je plains la femme qui verra ta sinistre figure chaque matin. »« Une sinistre figure que tu as décorée à ta façon, » rappela Thorne, d'une voix plate. Hilar Godefroy fit glisser un doigt en travers de son sourcil, comme s'il redessinait la cicatrice de Thorne sur son propre visage. « Je lui ai donné du caractère, tu devrais me remercier. Après tout, tu l'as gardé, ton œil. » Massant sa joue en feu, Ophélie venait de perdre ses dernières illusions. Le jovial, le chaleureux Godefroy n'était qu'une brute cynique. Quand elle le vit s'éloigner en riant haut et fort, elle espéra ne plus croiser aucun dragon de sa vie. Cette belle famille était horrible. Ce qu'elle en avait vu lui avait suffi. « Le hall de l'opéra, » dit simplement Thorne en tournant les talons. Dans le grand vestibule, l'atmosphère était plus respirable, mais il y avait encore trop de monde pour qu'Ophélie puisse s'exprimer à voix haute. Elle pensait à la tante Roseline, toute seule dans la loge des artistes. Elle suivit Thorne, qui marchait à longues enjambées devant elle, espérant qu'il ne l'emmènerait pas trop loin. Il passa derrière le comptoir de la billetterie et entra dans les vestiaires. Là, il n'y avait pas un chat. Ophélie trouva l'endroit idéal, aussi fut-elle déconcertée de voir que Thorne ne s'arrêta pas pour autant. Il s'avança entre les rangées de placards, se dirigeant droit vers celui qui portait la mention « intendant ». Souhaitait-il récupérer un manteau? Il sortit un trousseau de clés de son uniforme et entra l'une d'elles, toute dorée, dans la serrure du placard. Quand il ouvrit la porte, Ophélie ne vit ni cintre ni manteau, mais une petite salle. D'un mouvement du menton, Thorne l'invita à entrer, puis il ferma à clé derrière eux. La salle était circulaire, à peine chauffée, dépourvue de mobilier. En revanche, elle possédait des portes peintes dans toutes les couleurs. Une rose des vents. Sans doute aurait-il pu parler ici, mais le lieu était exigu et Thorne entrait déjà sa clé dans une nouvelle serrure. « Je ne dois pas trop m'éloigner, » murmura Ophélie. « C'est l'affaire de quelques portes, » dit Thorne d'un ton formel. Ils traversèrent une série de roses des vents qui finit par déboucher sur des ténèbres glaciales. Le souffle coupé par le froid, Ophélie toussa des nuages de buée. Quand enfin elle inspira, ses poumons semblèrent se pétrifier dans sa poitrine. Sa livrée de valet n'était pas conçue pour des températures pareilles. Elle ne voyait plus de Thorne qu'une ombre squelettique qui progressait à tâtons. Par endroits, son uniforme noir se fondait si bien dans l'obscurité qu'Ophélie devinait ses mouvements au grincement d'un plancher. « Ne bougez pas, je vais allumer. » Elle patienta, secouée de tremblements. Une flamme grésilla. Ophélie distingua d'abord le profil de Thorne, avec son front bas, son grand nez abrupt et ses cheveux pâles peignés vers l'arrière. Il tourna la cheville d'une lampe à gaz murale, allongeant la flamme, et la lumière repoussa les ténèbres. Ophélie promena un regard éberlué autour d'elle. Il se trouvait dans une salle d'attente dont les bancs avaient complètement givré. Il y avait aussi des guichets bordés de stalactites, des chariots à bagages rouillés, et un cadran d'horloge qui ne donnait plus l'heure depuis longtemps. « Une gare désaffectée ?»« Seulement en hiver, » maugréa Thorne dans un nuage de buée. La neige recouvre les rails et empêche la circulation des trains pendant la moitié de l'année. » Ophélie s'approcha d'une fenêtre, mais les carreaux étaient hérissés de givre. S'il y avait un quai et des voies dans la nuit, elle n'en voyait rien. « Nous avons quitté la cétacielle ?» Articuler chaque mot était une épreuve. Ophélie n'avait jamais eu aussi froid de sa vie. Thorne, lui, ne paraissait absolument pas incommodé. Cet homme avait de la glace dans les veines. « J'ai pensé que nous ne serions pas dérangés, ici. » Ophélie eut un coup d'œil pour la porte qu'ils avaient empruntée. Elle aussi était marquée de la mention « intendant ». Thorne l'avait refermée, mais c'était rassurant de la savoir à portée de main. « Vous pouvez voyager partout avec votre trousseau de clés ?» demanda Ophélie en claquant des dents. Dans un recoin de la salle d'attente, Thorne s'affaira devant le poêle en fonte. Il le remplit de papier journal, gratta une première allumette, attendit de voir si le tuyau tirait bien, remit du journal, jeta une seconde allumette, attisa le feu. Il n'avait pas accordé un seul regard à Ophélie depuis qu'elle lui avait donné sa coupe de champagne. Était-ce son apparence masculine qui le mettait mal à l'aise ? Seulement les établissements publics et les locaux administratifs, répondit-il enfin. Ophélie s'approcha du poêle et offrit ses mains gantées à la chaleur. L'odeur de vieux papier brûlé était délicieuse. Thorne demeura assis sur ses talons, les yeux plongés dans le feu, le visage plein d'ombre et de lumière. Pour une fois qu'Ophélie était la plus grande des deux, elle n'allait pas s'en plaindre. « Vous vouliez me parler ?» marmonna-t-il. « Je vous écoute. » « J'ai dû laisser ma tante seule à l'opéra. Elle se comporte curieusement ce soir. Elle ressasse d'anciens souvenirs et ne semble pas vraiment m'entendre quand je lui parle. » Pour la peine, Thorne décrocha un regard d'acier par-dessus son épaule. Son sourcil blond, scindé en deux par sa balafre, s'était arqué de surprise. « C'est ce que vous vouliez me dire ?» demanda-t-il incrédule. Ophélie fronça le nez. « Son état est réellement préoccupant. » « Je vous assure qu'elle n'est pas elle-même. »« Vin, opium, mal du pays, » énuméra Thorne entre ses dents. « Ça lui passera. » Ophélie aurait voulu lui rétorquer que la tante Roselyne était une femme trop solide pour ces faiblesses-là, mais le poêle reflua de la fumée et un violent éternuement lui déchira les côtes. « Moi aussi, j'avais à vous parler. » annonça Thorne. Toujours accroupi, il avait replongé ses yeux dans les vitres rougeoyantes du poêle. Ophélie se sentit terriblement déçue. Il n'avait pas pris ses craintes au sérieux, classant l'affaire comme il aurait négligemment refermé un dossier sur son bureau. Elle n'avait pas tellement envie de l'écouter à son tour. Elle regarda autour d'elle les bancs gelés, l'horloge arrêtée, le volet fermé du guichet, les carreaux blancs de neige. Elle avait l'impression d'avoir fait un pas hors du temps, de se trouver toute seule avec cet homme dans un repli d'éternité. Et elle n'était pas très sûre d'aimer cela. « Empêchez ma tante d'aller à la chasse de demain. » Ophélie devait admettre qu'elle ne s'était pas attendue à cette déclaration-là. « Elle semblait très déterminée à en être, » objecta-t-elle. « C'est une folie, » cracha Thorne. « Toute cette tradition est une folie. » Les bêtes affamées sortent à peine de leur hibernation. Chaque année, nous perdons des chasseurs. Son profil, figé de contrariété, était encore plus tranchant que de coutume. Et puis je n'ai pas apprécié le sous-entendu de Freyja, poursuivit-il. Les dragons ne voient pas la grossesse de ma tante d'un très bon œil. Elle devient trop indépendante à leur goût. Ophélie frissonna de tout son corps, et ce n'était plus seulement de froid. « Croyez-moi, je n'ai moi-même aucune envie d'assister à cette chasse, » dit-elle en se massant les côtes. « Je ne vois malheureusement pas comment je pourrais m'opposer à la volonté d'une Bérénilde. » « À vous de trouver les bons arguments. » Ophélie prit le temps de réfléchir à la question. Elle aurait pu en vouloir à Thorne de se soucier davantage de sa tante à lui, plutôt que de sa tante à elle. Mais à quoi cela aurait-il servi ? Et puis, elle partageait son pressentiment s'il ne faisait rien. Toute cette histoire finirait par mal tourner. Elle laissa tomber son regard sur Thorne. Il se tenait accroupi à un pas d'elle, entièrement concentré sur le poêle de la gare. Elle ne put s'empêcher de suivre des yeux la longue estafilade qui lui barrait la moitié du visage. Une famille qui vous inflige cela n'est pas une vraie famille. « Vous ne m'avez jamais parlé de votre mère ? » murmura Ophélie. « Parce que je n'ai aucune envie d'en parler. » répondit aussitôt Thorn d'un ton sec. Ophélie se doutait qu'il s'agissait là d'un tabou. Le père de Thorn avait commis l'adultère avec la fille d'un autre clan. Si Bérénilde avait pris leur enfant sous sa coupe, c'était probablement que la mère n'en voulait pas. « Cela me concerne un peu, pourtant, » dit doucement Ophélie. « J'ignore tout de cette femme. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Votre tante m'a seulement appris que sa famille était tombée en disgrâce. Ne vous manque-t-elle pas ? » ajouta-t-elle d'une petite voix. Le grand front de Thorn se plissa. « Ni vous ni moi ne la connaîtrons jamais. Il n'y a rien d'autre que vous ayez besoin de savoir. » Ophélie n'insista pas. Thorn dut prendre son silence pour de la vexation, car il lui jeta un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. « Je m'exprime mal, » mâchonna-t-il d'un ton bourru. « C'est à cause de cette chasse. La vérité, c'est que je m'inquiète moins pour ma tante que pour vous. » Il avait pris Ophélie de court. La tête creuse, elle ne sut trop quoi lui répondre, se contentant de tendre sottement ses mains vers le poêle. Thorn l'observait maintenant avec la fixité d'un oiseau de proie. Son grand corps ramassé sur lui-même, il parut hésiter, puis il déplia maladroitement un bras vers Ophélie. Il lui saisit le poignet avant qu'elle eût le temps de réagir. « Vous avez du sang sur votre main, » dit-il. Hébétée, Ophélie contempla son gant de liseuse. Il lui fallut plusieurs battements de paupières avant de comprendre ce que ce sang faisait là. Elle se déganta et palpa sa joue. Elle sentit sous ses doigts les contours d'une plaie à vif. Thorn ne l'avait pas remarqué à cause de la livrée de mime. Cette illusion absorbait tout, taches, lunettes, grains de beauté, sous une peau parfaitement neutre. « C'est votre sœur, » dit Ophélie en remettant son gant. « N'y est pas allée de main morte. » Thorn déploya ses longues jambes d'échassiers et redevint déraisonnablement grand. Tous ses traits s'étaient contractés comme des lames de rasoir. « Elle vous a attaqué ?»« Tout à l'heure, à la réception. Je ne lui ai pas libéré le passage assez vite. » Thorn était devenu aussi blême que ses cicatrices. « Je ne savais pas. Je ne m'en suis pas rendu compte. » Il avait soufflé ces mots d'une voix à peine audible, presque humiliée, comme s'il avait failli à son devoir. « Ce n'est rien, » assura Ophélie. « Montrez-moi. » Ophélie sentit tous ses membres se crisper sous sa livrée de valet, se déshabiller dans cette salle d'attente glaciale juste sous le grand nez de Thorn était la dernière chose dont elle avait envie. « Je vous dis que ce n'est rien. » « Laissez-moi en juger. » « Ce n'est pas à vous d'en juger. » Thorn considéra Ophélie avec stupeur, mais elle fut la plus étonnée des deux. C'était la première fois de sa vie qu'elle haussait ainsi le ton. « Et qui donc, sinon moi ?» demanda Thorn d'une voix tendue. Ophélie savait qu'elle l'avait froissé. Sa question était légitime. Un jour, cet homme serait son mari. Ophélie inspira profondément pour apaiser les tremblements de ses mains. Elle avait froid, elle avait mal et surtout, elle avait peur. Peur de ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Écoutez, » murmura-t-elle, je vous suis reconnaissante de vouloir veiller sur moi et je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Il y a toutefois une chose que vous devez savoir à mon sujet. » Ophélie se fit violence pour ne pas se dérober aux yeux perçants de Thorn, deux têtes plus haut. « Je ne vous aime pas. » Thorn demeura les bras ballants pendant de longues secondes. Il était absolument inexpressif. Quand enfin il se remit en mouvement, ce fut pour tirer sur la chaîne de sa montre à croire que l'heure avait soudain pris une extrême importance. Ophélie n'éprouva aucun plaisir à le voir ainsi, figé contre son cadran, les lèvres tirées en un pli indéfinissable. « Est-ce à cause de quelque chose que je vous aurais dit ou que je ne vous aurais pas dit ?» Thorn avait demandé cela avec raideur, sans détacher ses yeux de sa montre. Ophélie s'était rarement sentie aussi mal au fond de ses souliers. « Ce n'est pas votre faute, » souffla-t-elle dans un filet de voix. « Je vous épouse parce qu'on ne m'a pas laissé d'autre choix, mais je ne ressens rien pour vous. Je ne partagerai pas votre lit. Je ne vous donnerai pas d'enfant. Je suis désolée. » chuchota-t-elle encore plus bas. « Votre tante n'a pas choisi la bonne personne pour vous. » Elle sursauta quand les doigts de Thorn refermèrent le couvercle de sa montre. Il plia son grand corps sur un banc que la chaleur du poêle avait commencé à dégivrer. Sa figure, pâle et creusée, n'avait jamais été aussi vide d'émotion. « Je suis désormais en droit de vous répudier. En avez-vous conscience ?» Ophélie acquiesça avec lenteur. Par cet aveu, elle avait remis en question les clauses officielles du contrat conjugal. Thorn pouvait la dénoncer et se choisir une autre femme en toute légitimité. Quant à Ophélie, elle serait déshonorée à vie. « Je voulais vous parler en toute honnêteté, » balbutia-t-elle. « Je serais indigne de votre confiance si je vous mentais sur ce point. » Thorn fixa ses mains, appuyées l'une à l'autre, doigt contre doigt. « Dans ce cas, je ferai comme si je n'avais rien entendu. »« Thorn, » soupira Ophélie, « vous n'êtes pas obligé. »« Bien sûr que je le suis. » La coupa-t-il d'un ton cassant. « Avez-vous la moindre idée du sort qu'on réserve aux parjures ici ?» « Croyez-vous qu'il suffit de présenter des excuses à moi et à ma tante, puis de rentrer chez vous ? Vous n'êtes pas sur Anima. » Gelée jusqu'aux os, Ophélie n'osait plus bouger, plus respirer. Thorn observa un long silence, le dos voûté, puis il redressa son interminable colonne vertébrale pour la regarder en face. Ophélie n'avait jamais été aussi impressionnée par ses deux yeux d'épervier qu'en cet instant. « Ce que vous venez de me dire, ne le répétez à personne si vous tenez à votre peau. Nous allons nous marier comme convenu, et après, ma foi, ça ne regardera que nous. » Quand Thorn se leva, toutes ses articulations craquèrent à l'unisson. « Vous ne voulez pas de moi, n'en parlons plus. Vous ne souhaitez pas de marmots, parfait, je les déteste. On jasera ferme dans notre dos, et puis tant pis. » Ophélie était abasourdie. Thorn venait d'accepter ces conditions, si humiliantes fussent-elles, pour lui sauver la vie. Elle se sentit tellement coupable de ne pas répondre à ses sentiments qu'elle en avait la gorge nouée. « Je suis désolée, » répéta-t-elle piteusement. Thorn abaissa alors sur elle un regard métallique qui lui donna l'impression qu'on lui plantait des clous dans le visage. « Ne vous excusez pas trop vite. » dit-il avec un accent encore plus dur qu'à l'accoutumée. « Vous regretterez bien assez tôt de m'avoir comme mari. »